seen things you people wouldn't believe. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Engage hover mode. C'est quoi ce bordel? Put that cookie down! Now! Ok, les braves gens, on se tire les doigts des tympans et on écoute me carefully! La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Bonjour à tous, bienvenue dans On se dit quoi, l'émission où on parle de ce qu'on veut, de ce qu'on se dit quoi. Et de ce qu'on aime. Et voilà, et j'accueille avec moi donc Bilka, comme d'habitude toujours présent. Bonjour à tous, bonjour, et bonjour. À toutes, oh surtout. Bonjour Bilka. Et vous l'entendez, Antonin est de retour. On vous jouait un mauvais tour. Ah, il a mis un peu de temps à se rappeler de la réplique. J'ai dû me remonter dans mon enfance. Et il est là aussi. Salut, salut. Toujours à la technique. Et là, il a bien préparé un truc plutôt sympa. C'est très yes. joli. Merci beaucoup. Ouais. Et on accueille avec nous Saba. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Bah, j'ai bientôt 28 ans, là, à la fin de la semaine. Et... Alcoolique notoire. Ouais, non, mais j'ai essayé d'arrêter de boire le coca, mais c'est difficile, donc d'accord. Maintenant je suis master de lettres en recherche d'emploi. Donc si vous avez des propositions d'emploi, envoyez-les à www.onsedicquoi.com. Voilà. C'est ça. Sachant que hashtag ça n'existe pas. Sub S-U-B-B-A. Voilà. Alors donc, au sommaire, on va parler donc d'abord de nos brawls de la semaine, donc les petits trucs qu'on a retenus pendant la semaine, les petits bazars. Et ben, on peut parler d'à peu près n'importe quoi. Donc on va passer chacun à son tour. Ensuite, on va parler de nos meilleurs et nos pires souvenirs de la rentrée. Donc qu'elle soit scolaire, professionnelle ou intime. N'est-ce pas, Bilka? Oui. Et donc, on va enchaîner sur nos brawls. Administration, veuillez rester en appareil, s'il vous plaît. Voilà le facteur. Mais oui, c'est clair. C'est super clair et c'est Abe qui va commencer. Il me fait non, non, non. Si, c'est toi qui commence. J'ai perdu mes notes en fait. Mais non, mais c'est très très simple. Je pense que... Oui, alors en fait, j'ai découvert un groupe sur Facebook. Un putain de groupe qui déchire en fait. C'est une espèce de country blues en fait, métal. Oui, qu'on entend là. Entendre. Voilà. The All. The 90s. Ah, c'est avec toi pour découvrir des trucs chelous comme ça. C'est la vidéo que t'avais mis sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Ah, ah, attendez, c'est The Native Owl. Ouais, c'est voilà. Ça, voilà. Donc, la chouette native. Mais en plus, ils ont tous des gueules de chouette barbu, quoi. Encore un truc patriotique, hein, The Native. Ils ont voté Trump, hein, c'est sûr. Voilà, et donc, la chanson que vous écoutez, c'est donc Thunderhead. Donc tête d'éclair c'est plutôt dingo. T'as trouvé ça comment? Complètement par hasard? Par hasard, franchement. Je suis tombé là-dessus. En fait, je suis pas mal de groupes de musique un peu déjantés et je tombe sur des trucs comme ça souvent. Et puis forcément après 24 heures d'affilée sur Facebook, tu tombes forcément sur un truc. Non. Généralement, moi j'ai plus tendance à tomber sur un truc scatophile. Mais bon, visiblement on n'a pas le même Facebook. D'accord, alors Antonin va nous parler d'un truc aussi déjanté, je pense, donc on va enchaîner avec lui. Alors moi, ça m'a pas pris 24 heures sur Facebook, mais 2 secondes, hein. Je suis super content de ma trouvaille. Quoi, tu veux dire que tu n'as pas préparé? Mais non, je suis invité surprise, je me suis levé ce matin et on m'a dit « mange tes cornflakes, tu viens avec nous ». Et on m'a traîné, mais avec plaisir bien sûr. Ce qui est tout à fait vrai en plus. Hein. J'ai vu. J'étais aux toilettes à peine depuis une demi-heure, c'est-à-dire au commencement du commencement, et qu'il toquait déjà à la porte pour dire « allez, on y va ». Mais bref, mais attends, mais justement, enchaînement super, parce qu'on va parler un peu de toilettes aussi. Moi, je vais vous parler de la jeune et jolie Liam, qui a un petit date sur Tinder. Alors, comme tout le monde, hein, on est tout excité, on ne sait pas vraiment à quoi ressemble le type et tout. Et puis, tout se passe bien, il est beau, il est sympa, il est intelligent, il a un cheval blanc, mais vraiment parfait. Et puis là, la pauvre petite Liam, elle a une petite envie. Et la petite envie, ça résulte... Attends, petite ou une grosse envie? En tout cas, un gros résultat. Un gros résultat qui est coincé dans les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, « Ma, dis donc, je vais réfléchir avec tout mon cerveau et je vais répondre. » Pourquoi tu fais un accent? Parce qu'elle s'appelle Svetlana, en vrai. Et en plus, je sais même pas de quel pays il peut venir en accent, tu vois. Bon, excuse-nous, continue. Et en tout cas, elle prend sa petite crotte, comme ça, qui est quand même un beau cadeau, et elle le jette par la fenêtre en se disant, bah tiens, comme ça, personne ne le verra, sauf peut-être la personne qui va se le prendre sur la gueule, quoi. Et en fait, elle reste coincée entre la douche et la fenêtre extérieure, parce qu'il y avait une la double douche. Fenêtre. Et tout était coincé, elle a dû péter la vitre et elle est restée coincée. Et heureusement que les pompiers sont venus la délivrer parce qu'elle avait vraiment, vraiment besoin d'être libérée à la fois du ventre, à la fois de son date et à la fois de la vie. Les pompiers sont venus. C'est hardcore. Oui, ils étaient morts de rire. Ils ont mis 20 minutes avant de commencer parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils se pissaient dessus. Quoi. Ah, les enfoirés, c'est les pompiers qui ont balancé l'info sur Internet. Voilà. Et donc, merci pour ton super enchaînement. Parce qu'on reste un peu dans le scato rigolo. Et le scato, c'est beau, seulement quand il est rigolo. Oh, wow. Bah, sub 0. Ah, oh. Sub scato. Non. Le nouveau perso de Mortal Kombat. Attends, t'imagines la bande dessinée. Sub scato. Scato. Le truc qui gèle avec du caca, génial. Ouais. Alors, Mr. Honky. Mr. Honky. C'est un personnage donc fait de caca dans South Park. Quoi, c'est l'équivalent du Père Noël dans South Park. Ah, oui, pas en fait. Si, voilà. Ça me dit quelque chose. Oui, bon. Oui. Alors, Sub, vas-y, tu voulais nous parler donc d'une série sur Netflix. Ouais, en fait, j'ai même fini, vu que c'est Netflix, The Defenders, la série donc de Marvel Netflix. Et c'est donc une... c'est un peu les Avengers de Netflix, avec donc tous les héros qui existe donc sur Netflix, à savoir Jessica Jones, Daredevil et Luke Cage. Luke Cage, et il n'y a pas aussi Jessica Iron Jones, Fist. C'est ça, Iron Fist. Ah, il l'a déjà dit. Ouais. Iron Fist, hein. Non. non. Le scato, c'était avant. On a fermé le chapitre. Et merde. Et merde, dis donc. Dommage. Oui, et donc, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Franchement, en fait, j'avais été énormément déçu par la série Iron Fist parce qu'on l'avait survendue. Ouais. Et whitewashing déjà. Non, mais après l'Iron Fist, il faut le whitewashing. Non, c'est pas whitewashing, mais c'est juste qu'il faut un gros blancos qui va apprendre le kung-fu je sais pas où, en Chine, pour revenir. Et là, lui, il est fort, tu vois. Lui, il est plus fort que les super fighters de Chine, tu vois. C'est normal, excuse-moi, c'est américain. Mais attends, voilà. Pour sa défense... Attends, pas tous en même temps. Pour sa défense, c'était pas en Chine, ça avait l'air d'être dans une troisième dimension. C'était à Kowloon. Est-ce que la troisième dimension sera internationale ou appartiendra à la Chine? Telle est la question. J'aime bien, il dit la troisième, genre comme s'il y avait une deuxième. Jonas, celle de tes rêves. Aujourd'hui, donc, je suis philosophe. Non, mais je sais pas si c'est du whitewashing, mais ça passe. Non, c'est juste du America washing. Oui, qu'on a l'habitude. Non, mais par contre, il est ultra con. Enfin, dans la série, il est stupide, quoi. Le personnage, globalement, il doit avoir trois neurones qui se battent en duel, tu sais. Et il y a un truc qui m'a bien fait chier, c'est le déterminisme paternel. C'est-à-dire que ce mec, il fait tout dans sa vie en rapport avec son père. À chaque épisode d'Iron Fist, il dit, j'ai compté, je vous jure, j'ai compté. Il dit au moins trois fois par épisode, that's what my father wants. Ouais, j'ai pris un Doug sauce moutarde parce que mon père prenait le même. Mais c'est vrai ou pas? Oui, mais c'est chiant. J'ai un mais... Iron Fist parce en fait, que mon père prenait le même. Mais vite ta vie, mec, vite ta vie. Alors, ça tu vois, il y a un énorme dilemme, il est salade, tomate... Parce que mon père prend des oignons. Ça me fait un peu plus chier. Et là, ça. T'as le mec du kebab qui fait bon, vous achetez vos accents. Bon, bah, j'arrête les accents. C'est le raciste. Pas couper ça, mais une fois que c'est pas moi qui fais des blagues. Chaque fois, je vais en faire un, je confonds. Alors, attends, bon, t'as été donc déçu par la série Iron Fist, ouais. Mais les autres séries, tu les as suivies. Ouais, les autres séries, je les ai suivies, elles sont vachement bien. Et The Defenders, justement, même s'il y a Iron Fist et qu'il est vachement présent comme tous les autres personnages. C'était vraiment super bien. J'ai vraiment pas du tout été déçu. C'était drôle. L'intrigue était intéressante, même s'il y avait que 8 épisodes. Donc, aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est... Moi, j'ai regardé, j'ai pas du tout aimé, en fait. On va te double... Non, mais je comprends. En fait, c'est à partir de... Je vais pas spoiler, mais je crois que c'est à partir de l'épisode... Parce qu'en fait, le premier épisode, ils sont pas réunis. on les voit bien, c'est à partir de la fin du 2 qu'ils sont... L'épisode 4, en fait, où ils sont réunis. L'épisode 4, ils sont réunis, ouais. Et en fait, ils sont réunis, donc salut, on s'est jamais vus, on a des pouvoirs magiques, ouais, cool. Ils se retrouvent, après, ils ont un dilemme, tu sais, quand ils sont enfermés dans le champ. Est-ce qu'ils vont aux toilettes sur leur rendez-vous? Je sais pas. en fait, c'est, comment dire, ils ont... C'était bien de pas les avoir mis directement, parce qu'on est des super pouvoirs, on sauve les gens, ouais, allons-y. C'était nul, c'était bien, mais en fait, une fois qu'ils étaient ensemble, l'objectif à atteindre ensemble, chacun avait son objectif un peu. Jessica Jones, c'est la sceptique, Iron Fist, c'est l'optimiste idéaliste, Luke Cage, c'est le nigger, yeah. Oh! Heureusement qu'on n'est pas écouté en Angleterre ou aux États-Unis. Mais là, je pense qu'on va en parler un peu tout à l'heure, mais il y a un truc que je reproche aux Américains. Aux Américains, c'est la simplification des rapports sociaux, des rapports humains, mes frères. C'est, non, c'est vrai. Juste super simple, c'est bon, ouais. Méchant, bon, méchant. La guerre froide, ouais, ça leur a lavé le cerveau. Alors que quand tu vas du côté du Japon, si un manga est simple, c'est un manga qui n'est pas bon. Un manga, c'est ça vrai, doit être extrêmement complexe dans les rapports humains. T'as 20 minutes où il est là. Je prends des frites ou pas des frites, est-ce qu'elle va m'aimer si je prends des frites ou je prends pas ça des frites? Salade tomate oignon, mais. Oh, et là, t'as le kebab qui fait putain, mais vous êtes deux. Salade tomate oignon. Juste pour illustrer ce que tu viens de dire, tous les Miyazaki, les méchants, ils sont très profonds. Et en fait, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont. Les Ghibli sont grossiers. En général. Ouais, les Ghibli en général. Tu vois, dans le voyage de Chihiro, Yubaba, la sorcière, En fait, on a décrit comme une grosse connasse, mais on voit qu'elle est tendre avec son bébé, donc elle est humaine, quoi, ça passe. Ah oui, mais tous les méchants ont une part de gentil en eux, même dans les contes de Terre et Mer, qui sont pas à la base un scénario truc, ouais. de Ghibli, ils l'ont adapté. Ouais. Là aussi, il y a cette ambivalence, et on trouve vraiment quelque chose de beaucoup moins manichéen que dans un Disney, quoi. Et ça, je pense, merci Ghibli, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, moi je suis pas du tout d'accord parce que, en fait, certes, on parle de Ghibli et tout ça, mais après, moi je l'ai pas vu, ta série. Non, c'est sûr, en fait, au niveau comics, différence comics et manga, on dit que, enfin, tu as dit comme quoi tous les bons mangas en fait ont forcément un méchant qui est complexe. Je suis pas d'accord parce que quand on regarde les grands succès manga, les méchants sont pas spécialement complexes. Genre dans One Piece, les méchants ne sont absolument pas complexes. Et pourtant One Piece, c'est clairement l'un des mangas qui a fonctionné le mieux de tous les temps. Et c'est pareil dans Dragon Ball. Mais parce qu'il fallait bien atteindre notre cerveau simple et simplet d'Européens, complètement brainwashé par le soft power des Américains. Non, mais quand tu regardes Naruto, par exemple, c'est ultra complexe. Quand tu regardes Death Note, c'est ultra complexe dans les rapports, surtout dans à la Death mère, Note, c'est simple, à la de société. Aussi. De Il n'y a pas de méchant dans Death Note. C'est ça. Il n'y a pas de méchant, mais il y a un antagoniste. Et il m'a mouché. Scénariste. C'est ça l'intérêt des mangas japonais. C'est justement sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de méchant. C'est ça sur quoi reposent les mangas et le scénario. Donc, du coup... J'ai appuyé mon point. Mais en fait, je n'ai pas complètement appuyé ton point parce que justement, le truc, c'est que je pense que pour le coup, je pense que tu ne connais pas assez en comics. Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste. Je pense que le truc, c'est que clairement, les comics sont beaucoup plus complexes qu'on a l'impression. Simplement, l'une des dernières révélations. Vas-y. Non, laisse-le parler encore, vas-y. Simplement, dans les dernières révélations, tu as des héros qu'on pensait complètement gentils qui en fait s'avèrent être juste des agents doubles depuis le début et tout. En fait, nos références qu'on a en termes de comics, c'est le cinéma. Donc, c'est ça. Là où t'as pas le temps d'organiser, les gentils, les méchants et tout. Surtout que dans les comics, pour bien connaître un personnage, il faut lire tous les comics. Batman, il y en a au moins des centaines. Pour bien connaître un personnage, donc laisse tomber. T'as un comics en effet où le Joker il est gentil. Batman et le Joker. Bon, je vais pas spoiler, je vais pas dire que c'est quoi, mais ils se font une blague et tout et tout. Enfin. Parce que c'est un Joker. Ensuite, ça dépend en fait de l'univers, mais vraiment en fait, souvent il y a simplement la trame principale, la trame de Terre 1, tout ça. Enfin, c'est complexe. Ok, je suis d'accord avec toi pour on a souvent comme reflet les films ou les séries. Antonin, il faut lever la main avant de parler. On parlait de Defender à la base. Ouais. Je vous laisse faire le débat. Ouais. Mais quand les comics, mais à coup de pas pour Batman parce que c'est un héros complexe. Un héros. un héros complexe qui se demande où est le bien, où est le mal, où est, etc., etc. Et là, voilà, c'est moi qui ai le Mike. Bref, mais par contre, les mangas japonais sont vraiment ancrés sur les rapports sociaux, la société, les conflits entre personnes et les groupes, alors que les Américains, c'est plus sur un combat intérieur d'un héros surpuissant contre le mal, enfin comme Superman. Alors, je rappelle que dans cette émission, on dit « je pense que ». C'est pas forcément vrai. Moi et mes clones, on pense. Mais après, on parle de généralité, il y a une exception à tout. Ouais. Mais en fait, je pense que ce que tu dis, c'est pas faux, et ça vient un peu de la mentalité de chaque pays. L'Asie, c'est à connotation communiste, où en fait, comment dire, l'individu ne prévaut pas par rapport à l'autre, alors qu'au state, c'est le capitalisme. Et en fait, c'est ça, c'est en l'individualisme, fait. Parce que c'est tous les trucs, c'est le héros qui, au début, est complètement lambda, parce que pour que ça parle à tout le monde, bien sûr, c'est une sorte de moyen de contrôle, hashtag Matrix. Mais, et tu vois, il est élevé au rang de surhomme. Et en fait, sa vie a plus de valeur par rapport à l'autre. Alors que dans plein de mangas, et Sub, tu me diras, c'est vrai, genre, prenons Naruto, au pif, le mec, il a un démon, il est surpuissant, le mec, il n'hésite pas à risquer sa vie pour le pécor du coin qui cultive des navets. Hein. Ah oui, complètement. Mais ouais. Et t'as toujours, en effet, cet aspect très communautaire, surtout les mangas japonais, où je pense à Ikigami, pour faire régner la prospérité, la paix et tout. Voilà, du plus grand nombre, ils vont tuer une personne sur 1000, parmi les jeunes. Donc, c'est vrai qu'il y a cet élément qui rentre plutôt en compte et qu'on va avoir des héros un peu plus parfaits et gentils, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Mais par contre, il faut. Je vais élever le débat, je suis désolé. Parce que vous êtes des petites merdes. Mais en fait. Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale, les amis. Non, mais vraiment, parce qu'on a un héros qui est Superman, et Superman qui est la représentation des Américains. Et vous saviez que les auteurs étaient vieux, qu'ils ont fui le nazisme, etc., etc. Et on a une puissance qui doit justifier sa puissance face à un bloc, l'URSS. Le Japon, on a un pays qui est dans la remise en question permanente et qui est dans la reconstruction sur des ruines, mais totales, sur... On enlève complètement le système de l'Empire. On a un système démocratique. Non, il est toujours actuel. Oui, mais maintenant, c'est... Parce qu'en fait, l'Empire n'a plus de pouvoir, en fait. C'est, voilà. C'est symbolique. L'Empire n'a pas contre-attaqué, cette fois-ci. Mm-hmm. Et donc, du coup, le Japon est dans une remise en question que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre et ne se permettent pas vraiment en ce moment. Les États-Unis, ça a toujours été... c'est fondé sur l'esclavagisme, la ségrégation, sur les rapports de force pendant la guerre froide, où si tu remettais trop en question ton pays, les States, t'étais communiste. Ouais, voilà. Ça, ouais. Donc du coup, il ne faut pas oublier que les Japonais sont plus enclins à critiquer, à s'auto-critiquer, à aller chercher la petite bête, à critiquer la science, à voir tout, mais... Et là, c'est riche, tout en n'étant pas négatif. T'as plein de mangas sur la science qui la questionnent tout en l'acceptant. Pourtant, le Japon est passé par une bonne grosse phase de dictature après la guerre. C'était... Ça n'a pas de rapport. En tout cas, généralement, les libertés individuelles au Japon, c'est pas non plus... même encore aujourd'hui, après, à cause de la pression sociale, c'est pas top. Il faut différencier ce que l'État te contraint et ce que les mœurs et la famille te contraint, tu vois. Parce que c'est une grande différence. C'est plus culturel que politique. Est-ce que je peux encore élever le débat? Merde. Mais non, mais j'ai fait un mémoire en sexualité des Japonais. C'est quoi? Non, oui. Hey, j'ai vu il y a pas longtemps l'âge moyen. T'as vu mon mémoire? Non, mais c'est passé à la télé. L'âge moyen pour un Japonais lambda de perdre sa virginité, c'est 35 ans. Ouais. Parce qu'ils sont tellement préoccupés à réussir leurs études, à contenter les attentes familiales, à avoir un poste, à être bien. C'est vers 35 ans qu'ils réussissent leur vie. Et là, ils se disent « Ah, ok, je peux pécho de la meuf ». En fait, c'est une société complètement schizophrène et dans le sexe aussi, où rien n'est interdit. Tous les fantasmes sont possibles. Il y a même des mangas pédophiles qui sont autorisés au Japon. Calme-toi, Antonin. Assieds-toi. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, Iron Fist au Japon, c'est une autre chose. C'est autre chose. Mais parce qu'on considère que tous les fantasmes sont possibles, mais par contre, la réalisation sociale est extrêmement contraignante. C'est une société très machiste où la sexualité est extrêmement bridée. Déjà, tu c'est tellement peu... Non, Sodas, s'il te plaît. Pardon. Et voilà, mais par contre, tout est possible. Et c'est pour ça que de cette schizophrénie naît un dialogue permanent entre ces deux bords de la schizophrénie nippone. J'ai pas compris la fin, mais ouais. Non, c'est beau. Ah non, okay. Pour moi, en fait, je trouve pas que ce soit tant que ça une schizophrénie, je t'avoue. Je trouve que c'est plus un aspect complémentaire, dans le sens que si t'es bridé par la société, t'es obligé de trouver un échappatoire pour ne pas devenir complètement fou. C'est pour ça, en fait, que l'imaginaire nippon est si riche. D'où la création. Complètement. Dès Love Hotel. C'est ironique pour des bridés d'être bridés. Oh mon dieu. Attends, hey, tu la couperas. Je pense, en fait, je suis désolé. Il faudra un hyper blague raciste. Non, non, ouais, ouais, voilà. J'en fais plein des petits trucs. C'est pour ça qu'ils sont plus puissants que nous. Ils n'ont pas la législation européenne. Bon, allez, on enchaîne avec le petit brawl donc, de notre cher ami Bilkia. Et qui va nous parler, attention, de ça. C'est la version karaoké pour enfants. Non, qui reconnaît dans quel jeu c'est fait là? Minecraft. Il regarde mon écran. Moi je suis pas du tout jeu vidéo, moi je sais pas. Moi non plus, c'est pour ça, j'ai vu des cubes, je me suis dit Lego Minecraft. Donc vous l'avez certainement reconnu, notre cher ami Bilka veut nous parler de The Big Bang Theory. Ouais. Et pourquoi? C'est la dernière saison qui est sortie, c'est ça? Non, en fait, The Big Bang Theory, je suivais beaucoup à l'âge d'or. J'ai décroché au bout d'un moment parce que ça devenait trop répétitif et j'ai vu que la série tenait uniquement sur le personnage de Sheldon. Et en fait, une fois que tu l'as bien compris, c'était un peu chiant. Et à ma grande stupeur, ils s'en sont rendus compte que Sheldon était vraiment le personnage porteur de la série. Ils ont essayé de faire un spin-off juste sur lui. Parce qu'il parle tout le temps de son enfance, qu'il a vécu dans l'est du Texas, où ils sont hyper croyants, ils remettent la science en doute. Sa mère, elle disait, quand il était malade, elle l'emmenait pas voir le médecin parce que Dieu va le soigner. Et un enfant qui a 9 ans, le mec, il a 9 ans, il arrive au lycée. C'est un génie surdoué qui est darwiniste, enfin, qui est vraiment très scientifique. C'était marrant de voir une histoire là-dessus, et c'est ce qu'ils vont faire. Ça va sortir fin septembre. Ça sera Sheldon. Je sais pas, le titre, ça s'appelle Sheldon. Et ce sera le même acteur ou pas? Non, bah non, parce que c'est Sheldon à 9 ans. D'accord. Qui entre au lycée. Par contre, le même acteur qui fait Sheldon sera le producteur. Et je sais pas si ce sera le showrunner, mais il va participer à l'écriture de l'histoire. Et ce sera comme How I Met Your Mother. Ça va commencer par la voix off de l'acteur de Sheldon. Le showrunner, c'est... showrunner, qu'est-ce que t'entends par là? Parce que showrunner, c'est showrunner, tu vas pas à l'écran, hein, tu non, racontes. C'est le scénariste principal, en fait. Showrunner, c'est le scénariste principal. C'est ça, c'est en fait, c'est lui qui écrit plus ou moins et qui coach les scénaristes pour que l'histoire file dans la même direction. Je savais pas qu'il écrivait, tiens. C'est comme Stephen Moffat dans Doctor Who. Ouais. Ben, il est à la production, quoi, donc il chapeaute un peu tout le bordel. Mm-hmm. Alors, qui a pas mis son téléphone en mode avion? C'est pas moi. D'accord. Non. Wow. Wow. Bon, bah, vous avez niqué ma blague, mais c'est pas grave. Hein. C'était... Bilka. Qui est con? Quoi? Mais Sheldon, il fait ça dans un Big Bang. Penny. Bon, déjà, moi, je suis super content de savoir qu'il y a un spin-off avec Sheldon. Ouais, ça va être marrant. Hein. C'est vrai que c'est la même maladie qu'en I Met Your Mother. En I Met Your Mother, il ne tenait que sur Barney, puis tout d'un coup, Barney a trouvé une meuf. Quoi. Et c'est pareil pour Sheldon. On a bridé Sheldon. Maintenant, il devient humain. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder aussi. Et je suis trop content. Et maintenant, tu m'as annoncé une grande nouvelle. Yeah. Sheldon a des enfants. Quoi? What? Eh, hey, mais arrête de spoiler! Mais non, mais si c'est comme dans I Met Your Mother, ça veut dire qu'il raconte ça à ses gosses? Ça veut dire que Sheldon a des enfants? Ah non, j'ai dit I Met Your Mother parce que I Met, ça commence tout le temps par un discours voix off, comme Desperate Housewives, ça commence tout le temps par une voix off. Tu sais, l'actrice qui fait attends, la voix off. Redis-le là! Desperate Housewife. Ah voilà, parce que j'ai eu peur là, Jean-Neige, il était pas content! Jean-Neige! Parce que dans Desperate Housewives, la meuf qui fait la voix off pendant toute la série, on la voit qu'une fois dans l'épisode 1 qui se tire une balle, tu vois? Ouais. Donc en fait, je sais pas s'il va raconter ça à ses enfants, mais chaque épisode de ce spin-off... Sheldon se tire une balle. Chaque épisode de ce spin-off commencera par la voix off de l'acteur de Sheldon pour que les fans voient quand même qu'il est affilié au truc, quoi. Et t'as pas peur que ce soit vraiment un truc genre pour milquer, je sais pas du comment dire. Voilà. Je pense que, comment dire, ils ont voulu se faire plus de thunes, c'est sûr, mais franchement, c'est tellement un personnage intéressant. Et en plus, le contexte dans lequel il est, il y a matière de faire une putain de série, parce que sa mère qui est hyper croyante, sa sœur jumelle qui est une putain de bonasse, mais qui est tout à l'opposé. Ouais, Sheldon, il a une sœur jumelle qui est une putain de bonasse hyper sexy. Tu te rappelles qu'elle a 9 ans, elle est en série ? Non, mais qui est con ? On parlait de Lolicon, c'est dans The Big Bang Theory. Enfin, dans The Big Bang Theory, elle est super bonasse et elle est normale, elle est pas conne, elle est pas intelligente. Mais du point de vue de Sheldon, elle est hyper conne parce que lui, il se prend pour un être supérieur. Et c'est marrant. C'est de un voir... être supérieur. Oui, non, mais c'est marrant de voir un gosse de 9 ans qui a un putain de complexe de supériorité. Il a 9 ans, il est au lycée. Tous les mecs autour de lui au lycée, ils vont tous penser à baiser la meuf à sortir avec le capitaine de football américain. Et lui, il l'avait raconté dans un épisode, il avait essayé de fabriquer un réacteur nucléaire dans son garage et le FBI est venu chez lui. Mais ça a l'air trop marrant. Et comment il s'est fourni du plutôt? Il l'a acheté sur Internet. Sur Tor, les réseaux et tout, en Afghanistan, tu vois, quoi. C'est ça. Oh. Par contre... Eh, mais vite. Lève la main. Il lève pas la main, ouais. Si, je fais un petit... Il lève la main. Il fait un petit... Ça me permet... Allez, s'il vous plaît, ça me permet en fait d'enchaîner sur mon propre Brawl, qui parle aussi de cette série, en fait, puisque c'est une chaîne YouTube, que là, je passe la vidéo en même temps, en fait, qui est super sympa. Ça s'appelle Pop, je sais plus quoi, attendez, je vais vous trouver ça en deux secondes, mais c'est super intéressant puisque généralement, en fait, il adapte plein de sujets, en fait, je vais reprendre, il analyse la pop culture, voilà, c'est Pop Culture Détective, et notamment beaucoup de sujets sur le féminisme et sur la perception de la masculinité. Notamment le personnage donc de Newt dans Les Animaux Fantastiques. Ah oui. Et aussi l'espèce de syndrome un peu de la Born Yesterday, donc d'une femme qui, par exemple, dans Le Cinquième Élément, c'est un peu l'exemple principal, c'est une femme qui arrive d'un coup sur Terre ou quoi, qui ne connaît rien de la vie, qui n'a aucune espérance, mais c'est comme si c'était une enfant. Mais par contre, elle a un corps d'adulte. Incroyable. Ça, je connais pas assez, mais en tout cas, là, en fait, c'est dans le cas donc de... non, pardon, c'est Born Sexy Yesterday. Voilà. Dans le cas dans Le Cinquième Élément, en fait, elle est déjà donc, sexuellement attirable pour les hommes. Et elle va tomber amoureuse de qui ? Du premier mec qu'elle voit, en fait, parce que c'est le seul qu'elle a jamais vu. Donc, ils analysent cette vidéo, cette chaîne YouTube, pardon, analyse pas mal de trucs sur lesquels, finalement, on n'arrive pas trop à mettre des mots dessus. Et notamment, dans ce qui m'avait toujours pas mal gêné dans The Big Bang Theory, c'est, mais ils sont machos, mais à mort. Et c'est assez, c'est un truc de ouf, parce que c'est souvent justifié par le fait qu'ils sont geeks. Ils sont inoffensifs, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils expliquent dans cette vidéo que je vous partagerai sur la page Facebook. Yeah. Et c'est assez intéressant de mettre les mots sur le problème qu'on considérait comme... ça passe, quoi. Moi, j'ai vu la vidéo que tu avais postée, je l'ai vue. Et en fait, c'est vrai que si on y réfléchit, c'est vrai. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte parce que, comme tu dis, ils sont inoffensifs. Ils sont tout le contraire de la masculinité. Ils ne sont pas musclés, ils ne font pas de sport. Une fois, dans la saison 1, ils rencontrent l'ex de Penny qui fait 6m50 et 3m de largeur et il s'écrase comme une merde. Et régulièrement, c'est elle qui a le rôle de le bonhomme à la maison. Tu sais, quand il y a un meuble à monter, un truc à visser ou quoi. Mais c'est vrai que, comment dire... C'est vrai. Tout au long de la série, il y a quand même des problèmes qui sont révélés, comme le fait que Penny, purée, elle est harcelée, quoi. Il y a pas d'autres mots. Ils harcèlent aussi pas mal de femmes. Sheldon, il fait pas exprès. Ça, c'est certain, puisqu'il est juste pas socialement adapté à la vie en communauté, notamment avec les femmes. Mais ils sortent des trucs. Le pire, c'est Ovozovitch, non, pardon, Ovozovitch, Volovitch, voilà. Qui lui, par contre, en est totalement conscient et fait des trucs exécrables. Ah oui, parce que c'est un chou lapin. Voilà, et à la fin, les femmes l'excusent. C'est parce qu'il est juif. Aussi. Non, mais c'est pas. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment un buzzer, en fait. C'est vraiment, Un buzzer. Oh, non, mais non, mais c'est pas du bad buzz. C'est pas du bad buzzer. C'est juste que dans la série, ils tirent le côté juif aussi avec le rapport à la mère, avec le rapport aux femmes. T'as tout ça qui font que Volovant. Je pense qu'Antonin a raison parce que la culture. Judéo-laïque, c'est-à-dire que tu es d'extraction juive, mais pas rien, forcément pratiquant. Ouais. C'est une société matriarcale, tu vois. Donc, même si le mec, c'est un gros connard, il n'est pas du tout galant, gentleman, il respecte quand même les femmes. Parce que la preuve, quand il est marié avec sa meuf, c'est elle qui tient la culotte. Et Sa meuf lui donne une bonne grosse claque dans la tronche. Il y a tout une saison pour que ça change. Mais sinon, la culture juive, c'est généralement vraiment pas matriarcale, pardon. Oui, en effet, c'est plutôt l'inverse. C'est juste que la religion se passe par la mère, mais après, par exemple, on est vachement limite, mais j'ai pas envie de parler de ça. En clair, le fait de porter la kippa, c'est parce que tu respectes ce qu'il y a au-dessus. Oui, c'est et pour tu te rappeler qu'il y a voilà, quelqu'un. Voilà, et les femmes n'en portent pas parce qu'elles, ça sert à rien. Elles sont déjà impures. Non, en fait, normalement, les femmes n'en portent pas parce que normalement, elles ne sont pas censées montrer leurs cheveux. Les femmes juives, normalement, portent soit des perruques, soit un voile pour masquer leurs cheveux. Et même le grand Spinoza. Je lis Spinoza. Non, mais il dit pas que des conneries, attention. Même le grand Spinoza, même s'il est. Il a été. C'est un grand philosophe, Amsterdam, juif, qui a été excommunié. Et malgré son détachement de tout ce qui est institution religieuse, il reste dans ce rôle de la femme, qui est une femme qui est en dessous de l'homme. Ah oui, non, mais sauf erreur de ma part, je ne connais aucune religion où la femme est au-dessus de l'homme. C'est vrai. Les religions sont sexistes. À part Diane dans Wonder Woman, encore. Et bah oui, il n'y a pas de mec pour les rabaisser. Hein, oui, mais c'est certain que dans tous les cas, les sociétés sont beaucoup plutôt patriarcales et vont enfoncer la... Mais tu vois, ce qu'on dit, en fait, c'est pour revenir à The Big Bang Theory. Ouais, parce qu'on est parti d'où déjà. Je sais pas si c'est volontaire ou si ça fait partie des mœurs de la culture internationale et que du coup, on fait ça, en fait, pour que les gens se reconnaissent à ça et se rassurent d'une histoire comme ça. On appelle ça juste la culture du viol. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est aussi c'est le fait de dédramatiser le sexisme. Après, alors que ça a des répercussions extrêmement dangereuses en plus pour la sécurité des femmes, pour leur bien-être. Enfin, et c'est l'exemple du le Gamer's Gate. Ah, je croyais que t'allais dire Game of Thrones. Je regarde pas la série, je sais pas. Non, le Gamer's Gate où en clair, une développeuse a reçu des menaces de mort et c'est allé très très loin. Ah oui, non, mais c'est allé très très loin. Simplement parce que ce genre de... Il y aura toujours des cons. Évidemment, mais le fait de dédramatiser le sexisme en disant « c'est bon, c'est une blague !» oui, mais non, mais quand tu vis une injure, tu le vis pas comme une blague. Enfin bref. Oui, oui. Donc, ça m'avait toujours dérangé dans cette série et j'avais jamais pu mettre les mots dessus. Et je vous conseille vraiment cette chaîne YouTube parce qu'elle vous permet d'apprendre pas mal de choses sur cette vidéo qui parle de voilà, ça, disponible exactement. Sur le Facebook de On se dit quoi. Ah ouais. Et pour détendre l'atmosphère, on va passer en fait de la musique de Grizzly Beer. Grizzly Beer, c'est pas une marque de bière, c'est un groupe dont vous connaissez certainement ce titre-là. Attention. Ça me donne envie d'une bière. Ça, c'est étonnant. Je veux boire une bière. Pourquoi il n'y a pas de son? En fait, parce que c'est le premier clip de musique muet au monde. Oh mon Dieu, quelle révolution là. Et on va vous le passer, il dure 10 minutes 52. Ah, j'aime bien ce passage-là. Ouais. Par contre, on précise qu'on est 1, 2, 3, 4, 5 mecs. Hein. Pardon. Ouais, mais t'inquiète pas, on n'est pas du tout des machos sexistes. Ouais. La véritable question, sommes-nous tous cisgenres ici? C'est quoi? Est-ce que l'on est tous cisgenres? Parce que c'est bien beau d'être un mec. Est-ce que tu es un mec à l'intérieur et à l'extérieur? C'est-à-dire, est-ce que ton sexe psychologique et le même que ton sexe biologique. Est-ce que t'as des couilles en bas et des couilles dans ton cerveau? Non, je pense que je suis, comment dire, androgyne à l'intérieur, sans déconner. Et j'ai pas un, j'ai les deux, en fait. Mais je pense aussi, pense qu'on l'est un peu tous. Et d'ailleurs, t'es... Ouais, j'ai peur. Et on doit préciser que Bilka a un magnifique micro, on dirait en or. On dirait, hein, oui. Qui le représente bien. On dirait, je sais pas, c'est beau, c'est magnifique, ça le représente. Non, mais c'est vrai que quand tu es un fœtus, tu as. Oui, non, tu es à l'état différencié après les hormones. Exactement, et puis ça va. Bon, alors. Avec toutes ces erreurs techniques, on revient à la chanson. En fait, Grizzly Bear, donc je sais pas si. Je suis certain que vous connaissez cette chanson. Non, je connais pas. Oui. Affirmatif. J'écoute pas la musique occidentale, désolé. Ben, en tout cas, c'est un groupe qui revient avec un album qui, à ma foi, est assez original, assez sympa, et dont, en fait, on va écouter la dernière chanson, qui est donc, leur dernière chanson, mais en tout cas, c'est la chanson qui me paraît la plus sympa à écouter en ce moment-là, avec leur dernier album, c'est « Losing All Sense ». Control. Alors, groupe américain, donc originaire de Brooklyn, c'est un groupe qui est composé de Daniel Rosen, donc Edward Drost qui et Chris Taylor. Il y a aussi Christopher Beer. Donc Edward Drost, c'est un peu le mec qui a commencé, donc le qui est le fondateur du groupe, voilà. Et bah, c'est leur cinquième album, c'est une chanson donc, qui est plutôt rigolote. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont écouté, parce que c'était assez une petite pause, hein, je dois le préciser. Oui, elle était sympa, ça m'a fait penser à une jolie petite balade dans une campagne sur un vélo. Moi j'ai écouté 2-3 notes entre nos gros débats sur le genre, le féminisme, le machisme, la Terre, Trump... D'accord. donc c'est, ils sont sur sous un label anglais. Ce qui me fait toujours un peu rigoler, Warp Records, et ils sont potes avec Faced. Donc, la chanteuse Faced, qui est absolument géniale. Ils se sont déjà rencontrés face to face ? Oh là là. Oh mon Dieu. C'est fait au secours. Didier, pourquoi tu n'es pas là ? Restez, écoutez sur le podcast. D'autres personnes vont parler, vous inquiétez pas. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Donc... Alors, ce qui est assez étrange avec cet album, je trouve, c'est que le son a l'air un peu compressé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est que, généralement, dans les précédents albums, les cordes, les voix, tout était bien différencié. Là, tu as l'impression que c'est plus aplati. Et ça donne une sensation un peu d'électro assez étrange. Comme si non, en fait, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de fréquences qui se percutent, en fait. Ils se chevauchent. Voilà. En fait, normalement, dans un mixage, tu dois essayer de séparer au maximum les fréquences, genre la grosse caisse et par exemple le tom basse, ont tous les deux des fréquences très basses. Et ton but, en fait, c'est de un peu les différencier pour vraiment que tu distingues bien la grosse caisse du tom basse. Mais quand tu as énormément d'instruments, genre tu as une basse, genre des sons assez électroniques, etc., quand ça se mélange, et ben forcément, ça fait un brouhaha, quoi, en quelque sorte. Ça s'entremêle. Voilà, c'est et ça. Et ce que j'ai l'impression, déjà, je pense que c'est complètement volontaire de leur part et que ça fait une espèce de son continu. Ça fait un espèce de son continu, une guitare électrique qui. Une map en fait. Ouais, voilà. Continue, comme un sifflement dans les oreilles. Et du coup, c'est parti pour notre petit sujet sur la rentrée et on va faire un petit tour de table et honneur donc à Sub qui va nous parler de son. Pire souvenir de la rentrée. Tintintin. Tintintintin. Eh bien. Eh bien, cher camarade. Je dois dire à nos spectateurs que Sub a l'œil qui se larmoie, qui brille en pensant à ce pire souvenir. Mais je suis là, Sub. Je te prête une épaule. C'est le cas. Mais en fait, j'ai. Vous avouez, j'ai pas vraiment de pire souvenir de rentrée. Oui. C'est surtout ils étaient tous horribles. Oh non, mais il n'y a aucune rentrée qui est vraiment très agréable. Et c'est surtout qu'en fait, c'était lorsque j'étais en maternelle. Ah ouais, c'était une petite anecdote assez sympathique. Simplement, j'ai détesté ma première rentrée de maternelle. Donc, j'habitais pas très très loin à l'époque. Enfin, ma tante habitait pas très très loin à l'époque. Donc, je me suis évadé de l'école. Waouh, elle déchire sa première rentrée. Mais Sub a les plans de l'école tatoués sur le corps. C'est exactement ce que j'allais dire. Non mais vrai, true story. Hein. Donc je me suis évadé, je suis allé directement jusqu'à chez ma tante pour pouvoir pleurer dans les jupes de ma tante pour ne plus retourner à l'école. C'était la première année de maternelle. Je crois que c'était la première ou la deuxième année. Ça fait longtemps donc. Ouais, okay. C'était ta première évasion. Oui, c'était ma première. La seconde a été moins réussie. Je me suis fait choper. Mais au bout de la 24e, on s'habitue. J'ai pris 3 ans. Alors, Abe, c'est plutôt sa rentrée au collège qui l'a marqué. Parce qu'en fait, moi, je venais tout juste d'emménager avec mes parents. Et du coup, je suis arrivé dans un. Tu passais de la civilisation à. Oui, mais le 6-0. Je passais dans l'Oise, donc en pleine campagne, dans un village où je connaissais absolument personne. C'est en France, ça? Ouais. Rentrer dans la troisième dimension. Donc je connaissais personne, du coup j'avais plus aucun pote, et du coup je passais au collège. Donc c'est vraiment, tu vois, quand tu passes de la maternelle au collège, ça fait quand même un truc, tu vois. Et bah, j'ai flippé ma race, que je connaissais personne et tout. Donc c'était assez dur comme rentrée. Quoi. Mais donne-nous un peu d'espoir pour tous les enfants qui nous écoutent. J'espère que non. Mais ça s'est un peu mieux passé après. Oui, nickel. Après, j'ai des potes. Ouais, bah oui. D'accord, c'est bon. Donne-nous un peu d'espoir pour les enfants. Vous êtes tous crevés dans les nuances. J'avais les curly, donc ça va. Surtout que notre auditoire est âgé de 5 à 10 ans. C'est ça. Mais Antonin, vu que tu parles, vas-y, dis-nous. Oh, purée, mais il y en a plein, quoi. Tu veux celle... on reste dans le caca ou on... ton pire souvenir. Quoi, hein, dégaine le number là, one. Non, mais bon, okay. Tu as teasé notre curiosité, là, le caca. Mais... il s'est chié dessus à la rentrée. Mais je tiens à dire que dès qu'Antonin vient sur ce podcast, il parle de caca. Ouais, ça devient fou, quoi. C'est mon côté belge. Hein. Ça montre que t'es belge, on adore le chocolat. Sa description sur Tinder, ouais. Vous êtes scatophile, rejoignez-moi. Bizarrement, bon, allez, on le laisse parler. Et une photo de profil bien barbouillé. Pardon. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu m'as fait dire? Voilà. Non, moi j'arrive au collège. Et puis, bon, quand on est petit, on a beaucoup voyagé et tout, etc. Donc on n'était pas vraiment comme les autres. Et quand t'es pas vraiment comme les autres, quand t'es en ZEP, ZEP ou ZAD? Non, ZAD, ZEP, c'est après. T'étais en ZEP? Bah ouais, collège... Je précise, c'était pas vraiment une ZEP, c'est juste que le proviseur était alcoolique et c'est parti en couille. Parce qu'après, quand il a été remplacé, ça a été beaucoup mieux. Voilà. Ah, mais il était complètement alcoolo, mais je me rappelle que mon prof de maths se faisait martyriser par des élèves de 6e, en mode, il se prenait des gifles, tu vois, c'était... Putain, puis moi, c'est banlieue 13. Puis moi j'arrive, on vient de Bordeaux, du Vietnam, du machin, pour moi tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et je vois un type, et ben, il a une tête vraiment tout bizarre. Tout le monde fait 1m20. Oh, c'est horrible. Et je me dis, waouh, mais dis donc, mais t'as vraiment une gueule de macaque, quoi. C'est Antonin, l'arbre-sphère des amis. Ouais, mais ça te va trop bien. Moi j'étais en mode, putain, t'as une gueule genre à la Cassel, tu vois. Vincent Cassel, il est chum, mais apparemment il est beau parce qu'il est chum. Voilà, c'est ça, et c'est ce que je voulais te dire. Et bah franchement, dans l'intervalle des 3 secondes qui ont suivi le lancer de son poing sur ma gueule, j'ai compris qu'il voulait pas vraiment débattre. Et je me suis fait martyriser pendant un an. Et c'est pour ça qu'ensuite j'étais dans un collège-lycée catholique. Alléluia. Privé. Abilka. Après, je raconte Antonin, pas de scato éditeur. Allez, d'accord, après. Le pire souvenir. Hein. Oui, le pire. Oui, vas-y. Alors, avant ça, une petite introduction. Oui, Antonin, on te demande officiellement, de la part de tous les voisins, Dave, de parler moins fort, s'il te plaît, oui. Et de pas couper la parole aux autres. Alors, Bilka, vas-y. Alors, avant de vous raconter mon pire souvenir... Tu mettrais une musique triste au montage. Hein. Avant de vous raconter mon pire souvenir. Non, en fait, il faut que je vous raconte qu'en fait, j'ai mon meilleur ami, que nos mères se connaissaient quand elles étaient enceintes de nous, et on est nés à 12 jours d'intervalle. En fait, on est amis depuis qu'on est dans le ventre de nos mères. Depuis toujours, on a toujours été ensemble. Non, mais la nounou, quand on n'avait pas d'école, quand on était bébé, la nounou, c'était la même. On a été élevés comme des frères. Hein. Je le connais autant que mon grand frère. Ouais. On a fait la crèche ensemble, la maternelle ensemble. On voulait pas dormir à l'heure de la sieste. On faisait prison break, hashtag sub. On voulait se barrer, on voulait péter dans la cantine des gâteaux ou quoi. On était en maternelle, mais déjà, on savait comment fonctionnait la vie. Et on arrive en primaire, CP, on est ensemble, tout va bien. Et comme on est tout le temps ensemble après l'école, on va goûter ensemble, on regardait les minicums ensemble. Et on faisait notre devoir. On faisait tout ensemble. Et d'ailleurs, j'ai 26 ans, on est toujours potes. Hi. Et on faisait nos devoirs ensemble. Et c'est vrai qu'en CP, il y avait un peu de mal. On arrive en CE1, c'est la rentrée. Et je vois, il n'est pas dans ma classe. Je fais merde, qu'est-ce qu'il arrive? En fait, il avait redoublé. Oh merde. Et en fait, bon, c'est rien, hein, parce que c'est comme si je dis mon pire souvenir, ouais, j'ai eu un gâteau à la vanille au lieu d'un gâteau au chocolat. Mais je veux dire que Bilka, qui n'avait que 6 ans, tu vois, émotionnellement, j'étais très triste parce que je suis tout le temps avec lui, tout le temps. Tout le temps avec lui. Mmh. Et là, il n'est pas avec moi. Et je le voyais quand même. On se voyait toujours à la récréation. Mais il n'était pas avec moi en cours. Et je l'avais très mal vécu. Voilà. Oh, c'est triste. Oui. Ouais. Bah, pour passer à l'ambiance beaucoup plus festive des meilleurs souvenirs, en fait, on va écouter une musique qui est exactement sur le thème de l'école. C'est un groupe que vous connaissez très certainement. Il porte le nom d'une couleur. Oups, c'est pas celle-là, c'est celle-là, pardon. Et c'est parti. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Ça, c'était l'audio de la rentrée de Bika. Alors, ça, c'était donc Another Brick in the Wall, partie 2 de la chanson. Donc, c'est un album de Pink Floyd. Donc, ouais, Pink Floyd, je connais. Ouais, c'est les Rose Cochons. les Rose Cochons. Voilà. Donc, en fait, c'est les membres du groupe qui parlaient. Surtout, en fait, c'est surtout la vision de Roger Waters. Qui était donc un des membres de Pink Floyd, qui parlait de la rigidité des règles dans l'école des années 50. Et du coup, c'était assez fou, puisque pour c'était lui... C'était hardcore. Ouais, carrément. En fait, pour lui, les profs préféraient plutôt genre, suivre les règles, que tu rentres dans le rang, plutôt que faire apprendre des choses aux élèves, en fait. Donc pour lui, ça servait à rien l'école et il fallait... enfin voilà quoi, il fallait changer les choses. Ça n'a pas trop changé, hein, parce que bon, c'est peut-être notre éducation très catholique, mais il n'y a pas très longtemps, il y a une institutrice qui a sorti un livre sur une nouvelle méthode d'éducation. Elle a été virée de son établissement, alors que les gamins commençaient à lire vers 2-3 ans. Mm. Non, pas 2-3 ans, c'est impossible, parce que c'est pas... Non, mais ouais, non, je connais, j'ai entendu parler de cette anecdote, toi. S'ils commencent à lire, ça va coûter trop cher, il va falloir leur acheter des livres. Il y a plein de choses qui rentrent. Pardon, vas-y. Non, mais c'est surtout que s'ils lisent, voyons, ils vont devenir éduqués et ils vont comprendre que la société ne fonctionne pas. Ce serait grave. Voilà. Il manquerait plus qu'ils la changent. Oh putain, ils vont faire des nuits debout. Oh, des ânes. Non, mais en vue de ce débat-là, en 1980, en Afrique du Sud, la chanson a été adoptée par les Africains du Sud. Pour, je sais pas, comment on dit les Sud-Africains. Merci, pardon, je sais plus comment on disait. C'est comme le porcelain, c'est marqué dessus. Voilà, les Sud-Ouest d'Afrique. Pas tous en même temps, c'était donc pour lutter pour un hymne anti-apartheid quand ça sévissait en fait dans les écoles également. Et encore aujourd'hui, c'est une des chansons les plus écoutées en Afrique du Sud, c'est putain, assez fou quoi. Avec notre cher... Merde, comment il s'appelle? Notre cher merde, ah bien, ouais! Le mec qui chante Sugar Man! Petite parenthèse, parce que je parle de chansons les plus dans des pays insolites. À votre avis, quelle est l'une des chansons les plus écoutées en Algérie? Champs-Élysées, Habibi. Non, non, moi je dirais Claude François. Non, My Heart Will Go On de Céline Dion. Je vous jure que c'est vrai. Trop bien! Et bien ça a été récemment remplacé par René. Plus qu'une heure, plus qu'une seconde. Non, je vous jure, oh, c'est horrible, ce truc. En Algérie, ouais. Tu vas n'importe. Bon, si tu es une radio de rap, je sais pas quoi, mais n'importe quelle radio, au moins une fois dans la journée, t'as Céline Dion. Mais moi, je pensais Claude François, parce qu'il avait été. Il avait vécu combien 8 ans en Algérie. Non, c'est. C'est en Égypte. Ah, pardon. Oui, Alexandrie, tout ça. Oh, c'est la même pignolie. On ne parle pas comme ça de mon pays. Alors, Abe, dis-nous ton meilleur souvenir, parce que là, les pires, c'était un peu trop triste. La mince, zut. Allez. Alors, moi, mon meilleur souvenir de rentrée, c'était donc mon année de terminale. Parce qu'en fait, j'ai fait un bac pro électrotechnique. Bon, j'étais en phase terminale, j'ai adoré. T'étais en bac pro. Elle est horrible celle-là. T'étais en bac pro. On la coupera, mais j'en mets rien. Donc, oui, donc pour, donc, j'étais en terminale. Donc, et comme j'ai t'étais fait un en bac, phase terminale. Voilà. Et comme j'ai fait un bac pro électrotechnique, et ben, ça allait être la troisième année où j'ai la même classe, où j'ai les mêmes amis. Mm. Et enfin, c'était absolument. On était soudés et tout, on se marrait, enfin, c'était le gros bordel. Et. Quand on s'est retrouvé à la rentrée, c'était excellent. Quoi. Dès le premier jour, c'était... Et vous enviez des soudures. Hein. C'est beau. Milka, Dino. Non, moi, à la fin. Non, allez, c'est... Antonin, rapidement, comme ça, on pourra avoir le temps pour notre petite surprise. Et ben voilà, je voulais placer mon anecdote caca. Ça m'a fait. Parce que c'est à la fois... je peux pas dire que c'est la pire, parce que ça m'a sauvé, mais il y avait deux places dans le collège-lycée... catholique privé de Notre-Dame de la Compassion, mon cher. Et on était ça 100 élèves en compétition. On a eu un entretien. Et pendant l'entretien, je n'ai pas arrêté d'aller aux toilettes. Mais tout le temps, j'avais une fiasse de dingue. Et je demandais à chaque fois à la proviseure, si, parce que c'était un entretien en face à face avec les parents, si je pouvais aller aux toilettes. Et j'y retournais pendant 15-20 minutes. Et je revenais, je répondais à une question, je retournais et je revenais. Et j'ai quand même été pris. Je pense que j'avais un truc en plus. Moi, je pensais que t'allais nous sortir l'anecdote qu'un gars que vous aimiez pas trop, en fait, vous voulez tester du Viagra et vous lui avez dit « Ouais, tiens, c'est du Viagra !» Et en fait, c'était un somnifère. Alors, je tiens à préciser... Tu t'es endormi en pleine classe. Je tiens à préciser que je suis l'instigateur de cette super petite farce. Mais il était con! Il était vraiment con! C'était un mec qui martyrisait tout le monde! Ouais. C'était bien fait pour lui. Voilà, j'étais un héros incompris. La justice. Même si la proviseuse, enfin le proviseur qui était une femme, bref, la directrice de l'école, madame elle m'aimait bien, madame la proviseure, elle m'aimait bien, et donc du coup, elle m'a pas puni. Ils se sont rendus compte. Bah oui, il dormait. On lui mettait des claques. Il était complètement défoncé. Il était là. Il bavait. Et après, Antonin est allé sur le toit de l'école et a dit Justice is done. Yeah. C'est le punisher. Et comme c'est un collège privé catholique, je dis Jesus is back. Michael, it's for you. Mais Seb, qu'est-ce que t'as à nous dire sur ça? J'ai pas de bons souvenirs. Non, mais je n'ai aucun bon souvenir de rentrée. Pour moi, les rentrées ont toutes été relativement désagréables. Mm. Bah, la moins pire. La moins pire. Je suis allé en cours, je suis rentré chez moi. Non, mais on a compris qu'avec toi, les entrées c'était désagréable, mais les sorties, l'échappatoire, la liberté. Alors, Babilka, vas-y, dis-nous. Bah, moi, en fait, j'ai cherché pareil comme ça, j'avais du mal, et puis finalement, on s'est dit, bon, allez, j'ai fait un truc tout mignon avec ma pire, du coup, je vais faire un truc beauf avec ma meilleure, comme ça, ça équilibre. Donc, ma meilleure rentrée, c'était. Non, en fait, je recontextualise. Après mon bac, j'ai fait une année de médecine, j'ai foiré. Après cette année de médecine, j'ai fait une année de prépa ingénieur, j'ai foiré. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Du coup, je me dis, bon, je vais aller à la fac, je vais faire une licence en cinéma. Donc, 55 ans. C'est ça. Grosse erreur. En fait, comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année d'avant, prépa ingénieur, on était 32 dans la classe, il y avait 3 filles. Oh. Voilà, je peux vous dire que c'était... Attends, mais il y en avait beaucoup en fait. Hein. Non, c'est ça, il y avait 3 filles. Et en plus, c'était pas des cagettes, elles étaient pas dégueulasses. Non, mais c'est pour ça que vous avez construit des femmes robots. J'aime bien comme à la pause vous Marcel vous vantiez Bata. D'être féministe. Bah attends. Déjà, on ne s'est jamais vanté d'être féministe. Non, mais un mec qui parle d'une meuf, c'est un beauf, et une meuf qui parle d'un mec, c'est une meuf libérée. Je rigolais, hein, okay. Évidemment. Donc en fait, après cette année pauvre en jante féminine, j'arrive à la fac. Et à la fac d'art, putain, j'ai jamais autant de filles. Il y a plein de filles, ouais. Et en plus, il y a de tout. Hein. T'as des brunes, des blondes, des rousses, des petites, des grandes, des dorées, maîtres, des grosses, petites, des carrées. En fait, des cartons. En fait, c'est dans mon équipe de rugby, on dit souvent le mot cagette, mais il faut le dire avec l'accent du sud. Cagette. Ah bah oui. Cagette. Alors la petite cagette d'hier, tu l'as flammée, t'en as fait des brindilles. Donc voilà, c'était un plaisir pour les yeux de voir autant de jolies filles à la fac. Et c'est vrai que lorsque j'ai accompagné ma sœur qui cherchait une école pour faire une mana, j'ai découvert une école avec 99,9% de filles, absolument toutes plus belles les unes que les autres, où même les hommes portaient des robes, c'était un endroit incroyable. J'ai un ami qui est parfumeur, qui a fait une école de parfumerie, ils étaient pas la classe, la promo, ils étaient 3 mecs pour 100 meufs. Et je tiens à quand même dire que, bon... c'est pas forcément très agréable. Hein. Au bout d'un moment, quand t'es que avec des filles et qu'elles parlent... entre mecs, on va pas trop parler. Tout le monde s'imagine que dans les vestiaires, ça parle de fesses, de « moi j'ai fait ça » et tout. Ah non, en fait, on est tous là. « Moi, mon tissu, il est normal. » Par contre, les nanas, ça va vers le trash facilement. Quoi. Donc, c'est pas forcément très agréable, je vous le déconseille. Donc, on a une petite surprise pour vous. C'est Bilka qui nous l'a, l'a préparé. Yeah. Et je vais vous demander, en attendant que... Non, regarde pas, il commence à tricher, Seb, déjà. Je ne triche jamais. Je fuis juste de l'école. Avec les lois. Alors, je vais vous demander de faire des petites équipes. En attendant que Bilka se prépare, qu'est-ce que vous dites? On fait la gauche, la droite? Voilà, on est politisé. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas mélange, je suis avec Sam. Okay. On est un potasse apolitique, hein, je précise. Voilà, donc je serai avec Abe. Yes. Yes, mon frère, check. Yeah. Hop là. Attention, on me croise les yes. Voilà. Alors, comment vous vous appelez, là, les deux? Sub et Antonin? Bah, Subway. Ouais, nickel. C'est logique, quoi. Bah, nous, on s'appelle les Salles. Voilà. Puisque Abe, évidemment, le jeu sorti sur PS1. Alors, je tiens à demander... Alors, explique-nous le principe aussi. Ouais. Alors, je demande avant Sub et Abe de pas trop regarder mon ordi, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Voilà. Donc, vous l'aurez peut-être compris, c'est un quiz. Sub, regarde. C'est un quiz, et plus particulièrement les enfants, c'est un blind test. Mais non, pas le reflet. Un blind test de... Pas comme les autres, un blind test de musique de film. D'accord. Eh merde, celle-là, je dois la supprimer maintenant. Allez. Mais, ça tombe bien parce qu'il y a deux semaines, on a fait une soirée blind test de Musical Film. Alors attention, je tiens à dire à nos paires d'oreilles qui nous écoutent. Oui. Bon, je me la pète un peu, hein, ça fait longtemps que ma licence en cinéma, je l'ai finie avec un mémoire et une petite soutenance sur la place de la musique au cinéma. Donc, oh, purée, il va nous placer du Godard. Non, mais comme je disais à Jonas en début d'émission, je vais faire progressif le niveau. Mm-hmm. Je vais monter. Et quand je vois que je vous ai perdu, je dis ça. Mais généralement, quand il dit progressif, c'est d'abord je vais faire des films de 2016 et ensuite je vais descendre, et tu auras le film de 1950. Ah non, à ta grande surprise, je vais pas dépasser les années 80. Les années 80, d'accord, à nos oui. jours. Mais je veux dire, je vais pas prendre les musiques principales ou les musiques reconnaissables, tu vois, genre une musique en fond ou quoi. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On buzz ? On dit notre nom, alors notre pseudo. Je sais que ça va être le bordel parce que, ouais, vous balancez le truc. Ah, mais je l'ai dit avant. Donc, vous levez la main et je donne la parole. C'est pas genre okay, très bien, le maître, très bien, c'est très Bilka, ok. Ah ouais. Enfin, j'adore cette prise de pouvoir. Ah, j'aime bien un peu c'est faire, mon côté homme en moi. Mais allez, c'est parti. Attends, on passe à la première chanson. Attends, t'as un peu de lait sur le téton. J'ai juste une question. T'as dit, en fait, tu vas pas mettre les musiques de thème. C'est genre une musique dans le film où tu... Bah, je vais mettre une musique de thème pour le niveau faible. Après, le niveau hard, tu vois, ce sera... Ça, les fonds sonores, tu vois. C'est même des bruitages. Ouais, genre... Ah mon Dieu, je reconnais ça. C'était... Pas tout le monde en même temps. Allez. Est-ce que vous êtes tous prêts? Dirigez-nous. Yes. Alors, les équipes, c'est Antonin, Sub et Jonas et Abe. Yes. C'est ça? Yes. Ouais. Ok. Donc, vous levez la main. Si vous me balancez la réponse d'un coup comme ça, même si elle est vraie, je ne la compte pas. Est-ce, okay, qu'il y a des moins 1 ou des trucs discipline comme ça? Non. Est-ce non, qu'il y a des points qui sont comptés si on dit un truc marrant? Si vous me dégainez le nom, l'année, le compositeur et le réel. Non, et le time code. T'as gagné. Vous avez 5 points d'un coup. Oh. Alors c'est le chapitre 3 dans le DVD. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, silence tout le monde. C'est parti, première musique. Et ça ne marche pas. Ah, ça c'est bien. Ah, appel, c'est, tu paramétrais ton truc. Non, non, c'est juste moi qui n'avais pas le même son. C'est parti. T'as-tu paramétré ton petit ordi? Mais oui, j'ai tout est propre. Normalement, il n'y a pas de souci. Non, c'est moi qui n'avais pas le même son. Donc, deuxième tentative. Merci, Jonas, d'avoir niqué mon entrée magnifique. Chut, tout le monde, on y va. Donc, première musique, c'est parti. Sur Apple. Ouais. Oh putain, je sais. Ah oui. Non, ouais, donc premier point pour l'équipe pour de Jonas. Pour l'équipe des salons. Bon ouais, vous avez compris, là, le niveau, ouais, il est simple. Hein. Attends. Bon. En plus, je l'ai dit sans lever la main, donc t'aurais pu le dire. Ouais, donc, non, j'ai levé la main, mais je l'ai dit. Il faut attendre que Bika donne la parole avant de le dire. Heureusement qu'avant de commencer, j'ai bien établi les règles. Antonin, il a chié dans la colle comme d'hab. Et moi, je laisse mon excitation prendre le dessus. Allez, deuxième chanson. Donc, silence. Premier point, l'équipe de Jonas. C'est parti, deuxième chanson. Là, normalement, Sub, tu trouves direct. C'est parti, on va y arriver. Les évader. Oui, Antonin. Trou. Non. Sub. Ouais, Sub, tu me trouves ça, là. Arrête de me mettre ça. Ça veut dire que c'est plutôt un animé. Attendez. Non. C'est des films. Je mets pas animé, manga ou quoi, c'est vraiment des films. Ils sont sortis en salle. Ah. Oui, Antonin. Je sais, mais je connais plus le nom du film. C'est avec... Vas-y. Tu sais, à chaque fois, il meurt, il revient, il combat non, les aliens. Ça. C'est pas ça. Edge of Tomorrow. Ouais. Non, c'est pas ça. Dire, mais... Non, mais c'est pas ça. C'est ok, pas ok, ça. C'est pas ça. Allez, donne-nous un petit indice. Là. D'accord. Alors, c'est visuel, l'indice. Hein. Spider-Man. Oui, mais lequel? Jonas. Non, Sub. Moi, je dis Spider-Man 1. Non. Non, non, mais écoutez, écoutez la musique. The Amazing Spider-Man. C'est le thème d'Electron. Écoutez. Allez, 2-0. Non, c'est pas bon, je suis désolé, c'est The Amazing Spider-Man 2. Oui, je sais. T'as juste dit The Amazing Spider-Man. Mais non, mais il a dit lequel Spider-Man. Petite règle, je donne un indice, le pont compte pas. Mais pour le quoi? Attendez, je tiens à dire parce que mon indice était visuel, j'ai fait le symbole de Spider-Man en faisant psst. Non, mais t'aurais pu faire aussi le symbole de la bête, tu vois. C'est pas la même chose. T'aurais pu dire El Metal Rangers. Non, mais en fait, vous êtes. T'aurais pu juste nous dire Jamie Foxx ou des trucs comme ça. Là, c'était pas un indice, c'était une réponse. Bon, allez, suivant. Oui, je laisse. Terminator. Lequel? Ah. Non! Oh putain, mais comment veux-tu qu'on sache? Ils sont tous la même chanson! Non, le 2, c'est le meilleur. Mais j'avais dit. Attends, on est d'accord que c'est un peu dur là. On dit Spider-Man, ça compte pas. On dit Terminator, ça compte pas. Bon, vas-y, ça compte, mais yes Terminator, ça compte pour l'équipe de Seb. Dis-lui. Il a dit Spider-Man, du coup, donne-lui Spider-Man et donne-nous Terminator. Voilà, allez, 2-1. Moi, je préfère Terminator. Alors là, vous devez trouver. T'as vu, c'est carrément Battlefield 3 aussi. Hein. Ah oui. Là, vous devez trouver les gars, vous n'allez pas trop compliqué. Et c'est parti. Moi, j'avance un petit peu. Voilà. Ah, Requiem for a Dream. C'est là où j'ai fait mon acrobatie. On a levé en même temps, franchement, et juste une note, quoi. Non, mais c'est un truc de drogué, évidemment, que je connais. Darren Aronofsky, c'est ça? Ouais. Il y avait pas des points en plus si on disait le Real. Mais comme on a trouvé, ça passe. On a trouvé. Donc 2-2. Allez. Alors là, je vais hausser un peu le niveau. Allez, c'est parti. Attendez, je cherche. C'est pas parti encore. Ah d'accord. Purée, mais vous avez vu Mover, au fait? Non. Ça me tente pas trop. Même si tout le monde dit c'est magnifique. Attends, Mother. Par contre, allez absolument pas voir nos folles années. C'est au niveau. Si, allez le voir. Comme ça, vous vous rendrez compte que le montage, quand il est merdique, il est merdique. C'est les erreurs à ne pas faire. Cours numéro 1. C'est vrai, à ce moment-là? Ah, je sais pas. J'ai failli sortir de la salle. C'est la première fois. Allez, musique suivante, c'est parti. C'est parti maintenant. Mais c'est parti quand? Là. Ah! Oui? Les Hobbits. Non. Non, Seigneur des Anneaux. Non. Mais arrête, tu dois enlever et c'est du cul. Le film a eu 5 Oscars. La liste de Schindler? Non. Mais tais-toi! Titanic? Non, il a eu 11 Oscars, Titanic. Ouais, ouais. Merde. Non, mais il balance au pif, écoutez la musique aussi! J'avance un petit peu. Non, ça me fait trop pleurer, je peux plus écouter. J'avance un petit peu. Là, le niveau, j'ai augmenté. Le niveau. Ouais. Moi, je dirais que c'est plutôt de Spielberg. Non, c'est pas du Spielberg, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Allez, je connais. Oui, Antonin? Benjamin Button? Non. Il a eu des Oscars, lui. Il a eu, ouais. Mais attends. Mais non, mais dis des indices. Le film est sorti en 1995. Oui, Antonin? Le complice. L'histoire sans fin. Non. C'est exactement ce à quoi je pense depuis le début, mais... Bah, c'est marrant parce que le compositeur de... Oh putain, je sais, c'est même... Willow. Non. Oh, ça se rapproche. Mais ouais, et putain, je donne un demi-point à Jonas, parce que c'est le même compositeur que Willow, c'est James Horner. Ah d'accord, ok. James Horner. Mais non, mais ses voix sont exactement dans... Cette musique est aussi dans... James Horner, ses musiques se ressemblent beaucoup et... Je vous le dis, c'est quoi? Est-ce que c'est avec Robin Williams? Avec Robin Williams. Non. Avec Robin Williams. Donne-nous des indices. C'est avec Mel Gibson. Il est réalisateur et acteur. Oui. C'est Braveheart. Oui, c'est Braveheart. Mais franchement, entre Braveheart et Histoire sans fin, c'est à peu près le même film, quoi. Mais en fait, c'est du James Horner. Je vous mettrai du James Horner plus tard. Vous allez vous dire, putain, c'est la même. Et on garde notre demi-point ou pas, du coup? Non. T'imagines, on vous bat d'un demi-point. Là, on est à combien? Ah, mais si c'est ça que je connais. T'as compté 3, les musiques de 4-2. 4-2? 4-2. Ouais. Bon, musique suivante. Oh putain, je sais. Jonas. Moi, les choristes. Non, non, non, sois sur ton. Mais merci, les choristes. Mais j'ai dit je l'adore, ça coule. Il a pas répondu. Mais c'est ce que j'allais faire. Charge, Junio. Ah mais donc du coup un demi-point, un demi-point. Il a bugué. Non, t'as pas respecté les règles, tu t'es fait niquer par. Je suis désolé, ça va. Yes. Y'a pas de soucis. Abe, salut. En plus je l'ai trouvé aussi. Ouais. Là j'en ai une, je pense que c'est pour Sub. C'est parti. Tu lui mets la pression à chaque fois. Grave. Non Jonas, c'est pour Sub. D'accord. C'est l'intro. Avance la musique. Attends, ça vient. Non, elle dure combien de temps ? Elle dure une minute, la musique. Tu dis ça parce que Sub adore la clarinette ? Non, mais ce film, je pense que tu l'as vu, obligé. Je suis pas sûr. La musique me dit un truc et tout, le thème. Mais... Bon, je dis, je laisse répondre ou... Allez, Jonas. C'est pas avant Assassin's Creed, le jeu, l'autre jeu, c'est non, les c'est maîtres du sable, les maîtres du temps là. Non, non, en fait... mais c'est que des films. Hein. Oui, des jeux, mais en fait, il voulait dire Prince of Persia, voilà, le sable du temps. Ah non, c'est pas Prince of Persia. Je vous dis, c'est quoi ? Non, des indices. Tu devrais avoir. La musique se finit bientôt. Oui, mais tu la remettras. Ok. Des indices, s'il vous plaît. Des enfants, c'est tiré des bouquins à la base. Oh ah oui, Antonin. Et les aventures des enfants d'un modèle ? Non. Je laisse. Les Timbleback ? Non. Ouais. Miss Peregrine ? Non, c'était le monde de Narnia. Oh, oh, oh. Mais en ce moment, c'est un truc avec les enfants, là. C'est quoi ces indices pourris, là ? Ils sont quoi ? T'aurais dit avec un lion, encore. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Tu dis juste... Et t'as juste à dire armoire. Je vais en balancer une, vous allez tous savoir. Allez. Parce que là, je baisse le niveau, vous êtes nuls, les gars. Oh, c'est dégueulasse. Et nouvelle chanson, c'est parti. La chanson dure 9 minutes, je vais pas mettre 9 minutes, faut pas déconner. 9 minutes de ça là ? D'un mec qui fait du violon avec sa guitare. Le film est sorti en 2008, le deuxième volet d'une saga. Oui ? Matrix 2 ? Non. Non, 2008. Ah oui, non, oula, non, pas du tout. Premier Matrix, c'est 98. Ouais. C'est un mec, à chaque fois qu'il y a cette musique, qui raconte une histoire, mais c'est jamais la même. C'est Big Fish. Non. Il raconte à ce moment-là, dans le film, quand il y a cette musique, il raconte une histoire, mais c'est jamais la même. Et il y a toujours un couteau dans la. Ah. Oui ? The Dark Knight. The Dark Knight. Putain, je l'avais aussi, ouais, c'est oui. Ça, oh merde. Ça, c'est la spécialité d'Hans Zimmer, il met l'attention juste avec une note, Quand t'as dit c'est un mec qui raconte toujours la même histoire, mais enfin qui raconte à chaque fois la même histoire, mais différemment, j'ai tilté. Waouh, Sub Way ! Ouais. J'ai une réponse. Why so serious? Exactement. Là, t'aurais mis n'importe quelle autre musique du film, je pense que j'aurais pu la trouver plus facilement, mais là. La trouvière. La trouvière. C'est Master of the Lettres. Du coup, ça fait combien là, ça les fait gars, combien, franchement. 4, 3, là, là je crois que vous êtes revenus. Hein. Ça 4, fait. 4-3, non, 4-3. Non, 5. On a 4-4, on a 4-4, on a marqué 2 points d'affilée, il me semble. Non, il y avait un point en plus. Soit il y a 5-4, soit il y a 4-3. Il y a 4-3, je crois. Ouais, ouais, mais on a un demi-point parce que. Tu veux pas un papier pour noter là ? Ouais, non, mais de tête, t'inquiète. On va pouvoir gagner parce qu'on va l'embrouiller. Nouvelle chanson, là vous allez tous gagner. Je rencontrerai au montage. C'est parti. Harry Potter ! Oh merde ! Ah non ! Alors, oui, Seb ? Harry Potter ! Oui, Seb, voilà ! Lequel ? Il m'a pas dit lequel ! Putain, c'est merde, bien, tu me suis fait avoir. Composé par qui ? Oh là, c'est pas moi qui fais demander. Oui, Jonas ? John Williams. John Williams, le maître absolu. Un point aussi pour nous. Non, excuse-moi, parce que. T'as dit que c'était un point. J'ai levé aussi la main en même temps que toi. Ah oui. Et Pitka, t'as dit pour le timecode ? Bah, 0. Ouais, c'est la première chanson. Ouais, oh yes. De quel film ? De quel film ? À 0, du coup ? Là, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. Et la chambre des secrets. La première chanson d'Harry Potter, c'est pas ça. Mais t'as raison, Antonin, c'est la première musique à 0 de la chambre des secrets. Oh point. Du coup, alors, un point Jonas, un point Sub, un point Antonin. Ouais, oh merde, du coup, je suis perdu. Du coup, coup, attends, ça fait... ils avaient 3, ils ont 2 points en plus, et nous on a 1 point, ça fait 5-5. Zang-zang. Zang-zang, we shot you down. Zang-zang. Chanson, chanson d'après, les gars. Si c'est Kill Bill. Merde. Putain, merde, ça bug. Bon, moi, je peux manger. Arrête, parce que j'ai la Harry Potter mania. Je vois. Oui, ça me... C'est les 30 ans de Mr. Jack. Non. Ça, c'est R100. Attends, non, non, je sais ce que c'est, là. L'intro, vous allez pas savoir, vous savez, dans 3, 2, 1... Je sais. Oui, Jonas. Moi. Non. C'est fini. Mais non, c'est Jurassic Park. Oui, putain. Jurassic Park. Non. Ah putain, j'allais dire ça. Bah, c'est marrant, c'est le même compositeur que ça. C'est tous les mêmes compositeurs. Oui, Jess. E.T. C'est E.T. John Williams. Oh, c'est E.T. ouais. Attends, mais E.T. Jurassic Park, il recycle trop, quoi. Putain, c'est pour ça que je suis confondu avec. Mais c'est le même compositeur, donc forcément, ça se ressemble. Et d'ailleurs, tu entends des musiques d'E.T. dans Star Wars, il me semble. Ouais. Dans Harry Potter, tu entends des musiques de Star Wars. Parce que c'est le même compositeur. Et il n'avait pas le temps de. Là, je vais faire une musique plus contemporaine. Le film est sorti cette année. Oh, oula. Ouh. The Artist. J'avance un petit peu. Bonjour, je suis un gentil robot. Oui. Des singes. Non. D'ailleurs, cette musique est sympa. Je voulais te la soumettre pour les émissions d'après pour aller mettre en scène. Soumets-la moi. Non, mais je suis sûr, j'adore cette musique. Attendez, silence pour écouter. Film d'horreur ? Non. Action. Oui. Bon, c'est facile. C'est... Érotique. Oui, Jonas. Logan. Non. Non, mais écoute la consonance. T'entends pas un fond de musique celtique un peu ? Oui. Wonder ça... Woman. Non. J'allais dire cette merde de Wonder Woman. Bon, attends. Merlin, l'enchanteur, il se bat. C'est des didgeridoo, hein. C'est pas trop. Je me souviens plus assez des films qui sont sortis cette année. Oh putain, oui. Oui, Jonas. Non, c'est moi qui le dis. C'est donc c'est le film de Guy Ritchie avec notre cher ami l'anglais. Et c'est donc le roi Arthur. Le roi Arthur, ouais. Voilà. Je suis désolé, le nom, c'est le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Voilà, non, c'est pas le nom complet. C'est pas le nom complet du film. C'était pas avec Jude Law. C'était pas une énorme bouse. Ce film, moi je l'ai adoré. En fait, c'est une putain de claque visuelle. Ouais. C'est super bien rythmé, c'est drôle. Et là, c'est là que tu vois que c'est le réalisateur, étonnant. À la base, il est monteur. Le film, il est dynamique, on s'ennuie pas. Le montage, il y a des effets clips tout le temps, magnifique. Attends, mais c'est quand même des effets où il arrive avec sa super épée qui lance des énormes boules de feu. Et non, il lance pas les boules de feu. En fait, il prend l'épée et il a la force, il a la vitesse et une force. Ça, c'est Zelda, ça. Ah, c'est Zelda, ça. Est-ce que j'ai le temps d'en faire une ou deux? Oui, bah là, de toute façon, on les a explosés, là. On doit se départager. Tu veux faire un super banco? Est-ce que vous êtes chaud pour un super banco? Bah, Le banco! Du coup, attendez, bah, faut que je sois une qui est pas trop facile, mais qui est pas trop dur en plus. Non, tu mets la dernière côté, vas-y, ouais. Mais en fait, comment dire, ma bibliothèque est remplie de musique de film, je n'ai que ça. D'accord. Enfin, j'ai des musiques celtiques, instrumentales, symphoniques et musique de film. Arrête d'hésiter, prends hasard, c'est ton instinct. On est chaud, nous. Hey, bémol, on est chaud. Alors, attends, je choisis. On est chaud comme des baraques à frites dans un cinéma. Putain, j'hésite. Parlez, je choisis. En fait, il y a vraiment des baraques à frites dans les cinémas en Belgique. Mais bien sûr. Non, mais par contre, c'est le rêve. Il y a des boutiques de gaufres et tout dans les Deleuze. C'est incroyable parce que dès que t'entres dans un magasin, t'as l'odeur de gaufres qui arrive. C'est incroyable. Ça y est, vous êtes prêts? C'est l'un de mes films préférés que je vais vous faire écouter. Et c'est parti. Je sais, ça monte, ça monte. C'est un de mes films préférés. C'est caractéristique en plus de ce réalisateur et compositeur. Quoi ? Oui, Jonas ? Captain America. Non. Oh, Captain America, mais tu me connais mal ! J'ai jamais nommé. Oui. Indiana Jones ? Non. Oui, Antonin ? Il monte dans une fusée. Non. Franchement, je pense que... Soit vous avez dû le voir une fois dans votre vie en entier, soit des passages à la télé. Parce que ce film, il passe souvent à la télé. Oui, Abe. Les visiteurs. Non. Oh putain. Mais, dans ce film que je passe, il y a des musiques de ce film qui sont dans les visiteurs. Ah putain. Mais je connais. Quand tu vas me le dire, on va tous faire waouh. Non, mais attends. Faut faire des petits indices très légers, Milka. Mais... Écoutez, en fait, la musique t'indique le thème. L'année, l'année de ma naissance, 1991. C'est en noir et blanc, ça. Tu sais, avec les sous-titres. Ouais, j'ai envie de dire le. Ouais, Abe. Les Goonies. Non. Les Goonies sortis avant. À l'époque, ils. Oui, je l'ai. Non, mais les Goonies sortis avant. Je sais, mais c'est juste parce que j'adore ce film. Bonjour. Ah, non, mais. Retour vers le futur. Non, mais non, c'est plus vers le futur. Alors, ça se passe une époque médiévale. Ah oui, ça, on avait compris. Voilà. Antonin, t'as une idée? Oh putain, Jonas. Oh putain, là, j'ai reconnu là. Le thème aussi. Oh, mais là, ouais, c'est frustrant parce qu'il est super connu, mais personne ne sait vraiment d'où il vient. Parce que, autre indice, dans l'introduction des DVD, des Blu-ray de Disney, quand était le panel de tous ces films, ils ont pris cette musique. En fait, si vous avez regardé un DVD de Disney ou un Blu-ray de Disney, cette musique est tout le temps là. Bah toujours, tu sais que j'ai 3 enfants, moi. Enfin, moi j'ai 26 ans, je regarde des Disney, hein, tout va bien. Oui, Jonas. Non, c'est pas Peter Pan, c'est le mec dans la forêt de Sherwood, c'est... Robin des Bois. Oui, c'est Robin des Bois. Oh putain. Robin des Bois, de 1991, réalisé par... Oh, j'ai reconnu. Sa mère, le pauvre qui vole riche. Ouais, on a gagné le Super Banco. Ouais, pour vous dire, ces musiques ont été faites par Michael Kamen avec comme acteur principal... Michael Kamen Wally. Avec comme acteur principal Kevin Costner dans le rôle de Romain Desbois, Morgan Freeman dans le rôle de Ahmed Ibn Rashid Ibn Rafri, et Alan Rickman... Il a tout compris. Alan Rickman dans le rôle du shérif de Nottingham. Je tiens à préciser que le chèque que je t'ai fait tout à l'heure là pour mettre une musique du Seigneur des Anneaux là, non mais tout de suite, je vais l'annuler immédiatement. Non, mais le Seigneur des Anneaux c'est mon film préféré, bon, mais les musiques sont trop reconnaissables. Tu n'as pas donné ça à Mini. Non, c'est bon. Howard Shore, on le reconnaît à la première note. C'était un peu abusé. Alors, merci beaucoup, Mika. Merci d'avoir bien amusé. Donc les vainqueurs sont l'équipe de Jonas. C'est nul, franchement. Moi, je pense qu'on est vraiment à égalité dans nos cœurs. Bah oui, bien sûr. Mais c'était serré vers la fin. Moi, je dis bravo. Moi, je pense qu'on va donner d'autres organisations de quiz à notre cher Bilka. C'était fort rigolo. Ah bah merci. La prochaine fois, ce sera Julia. Quiz Disney, ouais. Oui, c'est dans la liste. Je veux y participer. Vous pourrez réagir sur Twitter en direct. Hashtag Bika. Hashtag DJ Blilka. Voilà. Mais n'oubliez pas justement, on a un petit Twitter, Jonas, on se dit quoi. Mais en tout cas, vous avez notre Facebook, on se dit quoi. Vous pouvez nous retrouver dessus. Et on peut proposer des sujets. Comment on fait, Bilka? Eh ben, vous lâchez juste un petit commentaire ou un message privé et puis... Sur iTunes. Sur iTunes. À chaque fois, il oublie. Parce que sinon, on aura 0 et 2. Voilà. C'est ça. Pour mettre des petites étoiles. C'est ça. Comme ça, nous, on va voir le sujet, on va l'étudier et puis on va faire une émission là-dessus. On va étudier le sujet, voir les probabilités. N'hésitez pas, balancez vos sujets scato, hein. Voilà, ça c'est pour Antonin, tout ce qui est scato. Oh, j'aime bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Sub qui est venu. Ouais, c'était un plaisir. Et qui, j'espère, reviendra. Bah oui, je l'espère aussi. Merci. Donc, la semaine prochaine, on vous parle de Death Note. Oh yeah. Yes, et son adaptation live sur Netflix. Voilà. J'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu, j'espère que ce sera pas mal. Et moi aussi, j'ai hâte de terminer l'émission pour... Et on va donc passer une chanson qui est toujours en rapport avec la rentrée, l'enfance, l'adolescence, va nous rappeler beaucoup de souvenirs, j'imagine, à pas mal de gens présents dans cette salle. Et vous allez reconnaître directement, mais un petit quiz, quel groupe ça va être? C'est un groupe, en fait, d'anglais, de rock un peu indépendant. C'est une chanson de... C'est leur deuxième single. Personne, je pense que Abe ici va trouver à partir des premières notes. Vilka, si tu peux couper tes musiques de film, s'il te plaît. Ah ben ça, pardon, excusez-moi, je suis désolé. Et me repasser la prise. Et excusez-moi, je suis désolé. Les musiques de film ne mourront jamais. En attendant, Abe, tu peux dire au revoir à la populace. À la populace, à la plèbe. Au revoir tous, les gens. Au revoir, la vache, je vais rentrer maintenant. La vache te dit au revoir. Nao Cardona vous a dit au revoir, et Vilka. Ah, moi aussi, je vais faire un accent sympa. Eh bien, au revoir à tous, et puis j'espère que nous nous reverrons. Enfin, vous nous écouterez encore. Enfin, ouais, on peut pas se voir. Puisqu'il nous mais voit pas. Mais si, mais si. Pas encore. Ah, on fera une émission pas filmée encore. Un jour. Pas encore. C'est n'importe bientôt quoi. Bientôt un live à l'Olympia. Ah non, mais on avait dit qu'on ferait une émission sur une plateforme, là. Avec... Comment ça s'appelle? La plateforme pétrolière. Sky Cloud, machin. Avec Natura Live. Natura. Ah oui, c'est vrai, on avait dit ça. On a aussi dit qu'on sur le lac de Serpenson. Sur le lac de Serpenson, on fera ça. Ce serait une super ça. Idée. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Bisous. À la semaine prochaine. Bisous. You used to get it in your fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sound.